Portrait d'assaut sur Fadjet. Présentation d'une jeune association créée en 2021. Elle s'appelle Libre Forêt et a lancé un financement participatif possible jusque fin janvier pour l'achat d'îlots forestiers en Lorraine. C'est l'association Libre Forêt. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Jean-François Petit. Bonjour. Bonjour Yves et bonjour aux auditeurs. Vous êtes président de cette association. Nous avons aussi en studio Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Qui est en stage 3e et qui va assister à cet enregistrement. Et bien sûr, s'il y a une question, tu n'hésites pas. Alors, Libre Forêt, je l'ai dit, création en 2021. Expliquez-nous tout simplement en quelques phrases l'objectif premier de cette association. Comment c'est né? Alors l'objectif et l'objet finalement de cette association, c'est de laisser des îlots forestiers en Lorraine. C'est une région qu'on connaît bien au niveau de la forêt, en libre évolution. Qu'est-ce que ça veut dire que la libre évolution? Qu'est-ce que ça veut dire, oui. On n'a pas trop l'habitude de ce terme. Eh bien, c'est tout simplement laisser la forêt dans son état et évoluer à sa guise, à sa bonne volonté, sans intervention humaine. Absolument, l'homme n'intervient pas. Il ne fait que regarder le spectacle, finalement, parce que la beauté, la forêt est belle. Parce qu'aujourd'hui, toutes les forêts sont contrôlées, sont surveillées aussi, elles sont exploitées. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des parcelles où la nature va avancer à son rythme. En fait, c'est un ensemble d'éléments, vous les avez cités. Donc pas d'exploitation, donc pas de forestiers, pas de bûcherons, pas de promeneurs à la limite. S'il n'y a pas de sentier qui traverse nos forêts, eh bien, il n'y aura pas d'humains dans ces forêts. Et ça sera vraiment le retour à la nature. À partir de quel constat vous avez voulu justement lancer notamment ce financement participatif et surtout cette association avec cet objectif? Deux, trois éléments. Hein. La perte de biodiversité qu'on peut observer un peu partout. Hein. Les insectes, les oiseaux, tout ça, les populations baissent drastiquement. Hormis un peu en forêt où là, c'est un peu atténué puisqu'on n'est qu'à moins 3% de perte de biodiversité dans le milieu forestier. C'est aussi le réchauffement climatique qui agit via des petits insectes ou des champignons. Par exemple, l'épicéa avec le scolyte, le frêne avec la calarose, le hêtre qui souffre aussi sérieusement de la sécheresse pour un hêtre. En été, il faut 500 à 1000 litres d'eau par jour. Et donc, dans les périodes qu'on traverse, c'est très difficile. Et donc, on voit que la forêt est en train d'évoluer sous nos yeux. Et nous, on se dit finalement, peut-être que la forêt a une forme de résilience pour lutter contre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les gènes des arbres qui ont des millions d'années, hein, la forêt a 250 à 300 millions d'années. Alors pas la forêt qu'on connaît aujourd'hui, bien entendu. Hein. Une autre forêt, c'était une autre forêt. Mais les arbres ont acquis une espèce de forme d'expérience dans leurs gènes qu'ils ont transmis à leurs descendants. Et nous pensons qu'ils ont la capacité de passer cette période difficile que va être le réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a eu des expériences un peu similaires en dehors de la Lorraine? Est-ce que vous avez ce genre d'écho? Oui, alors il y a à peu près une quinzaine d'associations en France qui sont réunies sous une coordination, ça s'appelle la coordination de la libre évolution, où on est une quinzaine d'associations à penser à peu près la même chose et à faire la même chose. Avec un gros moteur, c'est l'ASPAS, A-S-P-A-S, qui a acquis cette association-là de grosses surfaces dans la Drôme et en Bretagne. Donc en Lorraine, c'est aussi possible d'acquérir des parcelles comme ça et de les laisser vivre à leur rythme? Alors c'est possible, mais c'est compliqué. C'est compliqué à trouver. Il faut à trouver, pas tant que ça finalement. Bon, c'est un milieu un peu fermé, c'est un milieu de l'immobilier, mais ce n'est pas des ventes de maisons ou d'appartements. Hein. C'est beaucoup moins structuré, c'est beaucoup plus confidentiel. Voilà. Mais le gros problème, c'est quand même c'est l'argent. Bien sûr. Parce qu'un hectare de forêt, c'est entre 4 000 et 5 000 euros de l'hectare. Donc, il faut vite, ça fait vite des sommes. Si on a 10 hectares, c'est 50 000 euros. Et on ne les trouve pas comme ça du jour au lendemain sous le sapin. Bien sûr. Alors, ça peut être un beau cadeau à se faire ou à faire à notre forêt de participer justement à ce financement que vous ouvrez donc jusque fin janvier. Vous avez mis un objectif de 20 000 euros. Expliquez-nous un peu à quoi va-t-il servir justement. Est-ce que ça va être uniquement pour acheter des terrains ou avec d'autres objectifs derrière? Oui, c'est uniquement pour acheter des terrains, acheter des forêts et les laisser évoluer librement. On est déjà propriétaire de 76 hectares, c'est moins d'un hectare, hein. Mais c'est un bon début pour une jeune association comme la nôtre. Là, on espère 20 000 euros, vous l'avez dit, et puis après, en fonction de la somme qu'on aura trouvée, on cherchera des forêts Et bien sûr, on tiendra nos adhérents et nos généreux donateurs de l'issue de cette collecte de fonds. Et après, il y a quand même un regard que vous allez porter sur ces terrains. Vous allez les étudier à distance, en les laissant bien sûr un peu vivre tout seul. Alors nous, non, parce qu'on est simplement des citoyens. On fera appel, je l'espère, à des chercheurs de l'INRAE qui vont nous aider, qui choisiront certainement des thèmes sur lesquels ils travailleront et puis qui nous donneront des éléments de réponse aux des questions auxquelles on se pose. Parce qu'on s'en pose beaucoup. Vous l'avez évoqué, l'évolution d'une forêt, c'est assez lent. Hein. Donc les résultats, à quel terme on peut les voir sur la biodiversité, sur ces terrains-là ? C'est très drôle parce qu'au niveau du végétal, des arbres, c'est quand même assez long. Mais dès qu'on laisse la nature tranquille, on l'a vu avec le Covid, l'ensemble des humains étaient cloîtrés dans leurs appartements. Ben la nature, au bout de quelques jours, pouf pouf, on voyait des canards un peu partout, des animaux qui réinvestissaient les villes, parce que nous n'étions plus là. Enfin, on était là, mais sans être là. Et donc, en forêt, c'est un peu pareil, si vous voulez. J'ai deux exemples à vous citer. Mm-hmm. On a donc acquis un îlot forestier en Meurthe-et-Moselle, qui fait 35 arts, au beau milieu des champs. Eh bien, quand on regarde la structure du sol, dans les champs, il n'y a pas de vers de terre. Et puis, dans cet îlot-là, qui ne fait que 36 arts, hein, eh bien, il y a des dizaines de vers de terre dès qu'on fait un simple trou. Et puis, je connais un étang dans les Vosges, là, où le propriétaire a laissé son étang évoluer librement, on va dire ça comme ça, un petit étang, hein, et sans remettre de poisson. Et très vite, on a des espèces, bon, je vais la citer, mais c'est le grèbe castagneux, qui est venu se réinstaller sur cet étang-là alors qu'il n'avait jamais été vu auparavant. D'accord. Mais dès qu'on laisse la nature tranquille, pouf, il y a des petites choses qui bougent et ainsi de suite. C'est plus rapide, effectivement, avec le monde animal qu'avec le monde végétal. Alors le monde végétal, j'entends, hein, le monde végétal, les arbres. Les arbres, essentiellement. Et pas la végétation herbacée. Si on veut attendre qu'un chêne atteigne sa maturité, il passera quelques générations peut-être. Voilà, oui, effectivement. Donc l'association Libre Forêt qui a lancé cet appel, un financement participatif pour l'achat d'îlots forestiers en Lorraine. Donc pour participer, il suffit d'aller sur la page Hello Asso, on donne ce qu'on veut. Voilà, ce qu'on veut, le plus petit don nous fera extrêmement plaisir, moyen, gros, en fonction des moyens financiers des donateurs, hein, y a pas de problème. Et si on veut participer à la vie de l'association Libre Forêt aussi, est-ce que c'est possible de vous rejoindre en tant que bénévole ? Alors là, oui, effectivement, très très intéressant. On a besoin non seulement de bénévoles, mais aussi de personnes qui vont participer aux travaux du conseil d'administration. Au conseil d'administration, nous ne sommes que 5, mm-hmm. On pourrait allègrement monter à 8, 9 ou 10. Donc on recherche effectivement des bénévoles, mais c'est toujours très difficile. Les bénévoles, ce n'est pas des charmantes têtes blondes, hein, vous savez, ce sont plutôt des charmantes têtes grises. Voilà. Alors bien sûr, vous êtes présent sur différents réseaux sociaux, notamment Facebook. Il y a un site internet aussi, hein, qui s'appelle libreforêt.fr. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des objectifs pour l'année prochaine en dehors de ce financement participatif ? Alors oui, bien sûr. On a monté un dossier avec le WWF, WWF, oui, et le CEN, Conservatoire des Espaces Naturels. Le WWF va financer une parcelle forestière un peu plus de 20 hectares du côté de Thiaucourt. Et ce sera le CEN qui en sera le propriétaire. Et nous, Libre Forêt, nous serons... Un bail emphytéotique nous liera au CEN. Et finalement, c'est nous qui ferons la gestion de ce site. Quand je dis gestion, bien entendu, c'est de la non-gestion. Mais de la non-gestion, c'est quand même de la gestion. Compliqué à comprendre, mais bon, c'est quand même comme ça. Donc on n'hésite pas à prendre contact avec vous aussi pour en savoir plus. Hein. Il y a certainement plein d'autres questions qu'on pourrait vous poser sur cette question. Mais laisser la forêt vivre à son rythme, ce serait une bonne chose. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine? Merci Yves. Écoutez, tout simplement, qu'on atteigne et qu'on dépasse l'objectif, ouais, qu'on s'est fixé de 20 000 euros dans notre financement participatif. Donc on compte sur les Lorrains, parce qu'en fait, on se rend compte qu'un financement participatif, ça touche l'ensemble de la France. On a quasiment moitié de Lorrains et moitié de personnes qui viennent de Paris, de Toulouse, de Marseille, de partout, qui font des dons parce qu'ils sont touchés par le concept. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Petit. Je vous remercie. Bonne journée à vous. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.